Et à la Croix-Rousse, il existe une place commandant Arnaud. Aucune indication n'étant fournie par la plaque bleue, il faut recourir à un guide des noms de rue et de place pour savoir qui est ce commandant Arnaud. Je cite « commandant du 12e bataillon de la garde nationale, assassiné par des émeutiers le 20 décembre 1870 au Clos-Jouve. Pour mener mon enquête, on dispose d'un beau fonds d'archives aux archives départementales du Rhône. Nous sommes en 1870 au moment de la guerre franco-prussienne. En décembre 70, court le bruit que les légions du Rhône ont été anéanties au combat de nuit, le 18 décembre 1870. Fort de cette nouvelle, des F-communards cherchent à renverser le conseil municipal de Lyon et demandent au commandant Arnaud de prendre la tête de l'insurrection. Mais celui-ci refuse, ce qui sera la cause un peu plus tard de sa mort. Présentant le commandant Arnaud, il est né le 30 mars 1831 à la Croix-Rousse, quartier populaire et colline des Canuts. Il peut être considéré comme un vrai Lyonnais. Chef d'atelier, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire, il est le chef d'un atelier de tissage, c'est-à-dire un canut, propriétaire des métiers. Il est un représentant de l'activité dominante à Lyon, qui dans l'histoire de cette ville s'est toujours soulevée contre les injustices. Il est marié et père de 3 enfants. Il est un citoyen respectable et peut être considéré comme un modèle de réussite sociale. Ayant été élu commandant de la garde nationale, il est un notable de la Croix-Rousse. C'est un républicain, comme sa mort nous le confirmera. Enfin, c'est un patriote, respectueux de la légalité, qui refuse de marcher contre le pouvoir municipal. Antoine Arnaud est donc un bon chef d'atelier, un bon mari, un bon père, un bon républicain, un bon français, un bon patriote, bref, un bon Lyonnais. Modéré, travailleur, respectueux des lois face aux exagérés de tous bords, face aux rouges qui le plus souvent sont des étrangers à la ville et qui ont contribué au malheur de Lyon. Il n'est donc pas étonnant que le républicain Gailleton, maire de Lyon en 1890, fasse le choix en pleine période de républicanisation de la France du nom du commandant Arnaud pour désigner une place croix-roussienne non loin de la résidence où habitait le dit commandant rue Dumont-d'Urville. Alors qui est vraiment le commandant Arnaud? C'est un chef d'atelier de la Société des Tisseurs. Lors du recensement 1866, il possède 4 métiers. Dont 2 sont inoccupés. Son frère Charles, tisseur, vit aussi dans le quartier qui compte 2508 ateliers pour 6744 métiers et qui correspond au recrutement du 12e bataillon de la garde nationale. La moyenne étant de 2,7 métiers par atelier, l'atelier d'Arnaud se situe au-dessus de la moyenne de son quartier. En 1870, la situation économique n'est guère brillante. Nombreux sont les tisseurs sans emploi et qui, depuis le 11 décembre 69, ne bénéficient plus du salaire versé par la municipalité pour être employés au chantier de la défense nationale, puisque ceux-ci ont été fermés. La garde nationale a même dû être appelée place des terreaux pour rétablir l'ordre face à des ouvriers manifestant leur mécontentement. Est-ce la situation socio-économique au-dessus de la moyenne qui a fait élire Arnaud capitaine puis commandant de la garde nationale ou son goût ou ses aptitudes au commandement? Plus tard, la veuve Arnaud fournira des documents permettant d'apporter quelques éléments de réponse. Il s'agit des documents Fillon. Joseph Fillon est un tisseur de 53 ans, savoyard d'origine, installé à Lyon depuis 42 ans et qui vit depuis 17 ans rue Richard à la Croix-Rousse et qui possède deux métiers dont un inoccupé. Marié, il a un fils de 17 ans et est garde national à la 7e compagnie du 12e bataillon. Le 16 novembre 1970, il avait écrit au général de la garde nationale pour être dispensé en tant qu'ancien militaire des exercices. Le général avait laissé le commandant Arnaud décider, ce dernier le condamnant le 28 novembre pour désobéissance à faire de la prison. Fillon écrit à Arnaud pour évoquer un jugement burlesque et le traite d'homme de force. Arnaud est aussi connu dans son quartier comme un homme présomptueux, voire orgueilleux, qui aurait cherché à abuser de son autorité. Son respect de l'ordre et de la hiérarchie le fait passer aux yeux des Croix-Roussiens comme un soutien des autorités, particulièrement du préfet Chalmel Lacour, à un moment où ces autorités sont dénoncées. Il est bon de rappeler qu'il existe un contentieux entre les officiers de la garde nationale, souvent les plus gros chefs d'atelier du quartier, et les tisseurs gardes nationaux. Tension réactivée par la fermeture des chantiers par la municipalité, tensions qui ont amené les officiers de la garde nationale à mettre en garde les ouvriers contestataires. Ceux-ci sont souvent au chômage, se font aussi réprimander dans leur compagnie par leurs officiers, qui, eux, continuent à avoir de l'ouvrage. Inquiets face à la situation militaire qui se dégrade et à la situation économique qui n'est guère brillante, les canuts, gardes nationaux ou pas, et leurs femmes doutent des compétences militaires des autorités et s'interrogent sur leur réel attachement à la République, tel que leur imaginaire républicain la leur représente. C'est-à-dire une république sociale, celle du drapeau rouge, mais peut-on aller jusqu'à avancer l'idée de lutte de classe? Globalement, non. Même si cette notion peut être retenue pour une poignée d'hommes comme Truquin, qui est un canut en particulier, Bruyas, retenez ce nom, ou Deloche, et est reprise par la suite par des historiens marxistes comme la seule explication pour cette journée. Que s'est-il passé le 20 décembre 1870 ? C'est un mardi. À 10h45, Antoine Arnaud, demeurant deux rues du Mont-d'Urville, entend le clairon retentir. Il sort chez lui en tenue du commandant du 12e bataillon de la garde nationale, avec son sabre et deux revolvers. Il lit alors une lettre qu'on vient de lui remettre, lettre qui semble contrariée. On peut penser qu'on l'informe de ce qui est arrivé au commandant Chavant du 10e bataillon de la garde nationale, lui aussi croix-roussien et chef d'atelier. Ce dernier vient d'être pris à partie devant la mairie du 4e arrondissement par un groupe de manifestants des deux sexes qui auraient jeté son képi à terre, l'auraient souffleté et l'auraient entraîné à l'intérieur de la salle Valentino. Le commandant Arnaud part alors dans cette direction. Depuis 9 heures, se tient une réunion dans la salle du café Valentino, un café qui est un haut lieu croix-roussien, aujourd'hui disparu, où se tenaient déjà sous l'Empire des réunions sociopolitiques souvent interdites. Depuis le début de la guerre, la salle Valentino est devenue une véritable tribune pour tous ceux qui critiquent la situation politique et militaire. La réunion du 20 décembre fait suite à celle de la veille qui a commenté la bataille de nuit. La réunion est présidée par Jean-Pierre Bruyas, 53 ans, balancier à Lyon, et animée par Christophe Deloche, 42 ans, chauffeur mécanicien à Lyon, et par Guillaume Scholl, 40 ans, cordonnier et ex-officier de paix après le 4 septembre à Lyon. Dans le plus grand tumulte, les présents discutent de l'arrivée imminente des Prussiens, des sacrifices des enfants du Rhône, alors que d'autres départements se sont montrés moins patriotes. Ils discutent aussi des responsabilités des autorités lyonnaises et déclarent refuser que des hommes mariés, ce que les pouvoirs publics locaux semblent avoir décidé, partent avec les 3e et 4e légions en train d'être formées. Ils vont jusqu'à parler de trahison des autorités locales et préféreraient brûler Lyon plutôt que d'en laisser aux calotins. Ils décident donc de marcher sur l'hôtel de ville pour y remplacer le maire Hénon et le préfet Chalmet de la Cour par Garibaldi et Cluseret, seuls capables, selon eux, de défendre Lyon contre les Prussiens. Il faut dire que Garibaldi est à Lyon à ce moment-là, voire de gagner la guerre. Pour avertir la population, les responsables font retentir le clairon et envoient des délégués pour aller sonner le tocsin dans les différentes églises à Saint-Eucher, Saint-Augustin et Saint-Denis, ce qui pousse les gardes nationaux à sortir de chez eux en armes et à venir aux nouvelles. Place de la Croix-Rousse. Il est aussi décidé d'aller chercher les commandants de quartier afin qu'ils battent le rappel et encombrent la marche insurrectionnelle sur l'hôtel de ville. Il trouve à la Morie le commandant Chavant, qui refuse, lui qui vient d'être molesté par ses hommes, qui refuse de marcher sur l'hôtel de ville et qui est donc molesté et entraîné à l'intérieur de la salle Valentino. Le 20 décembre à 11h, au moment où le commandant Arnaud débouche sur la place de la Croix-Rousse, l'agitation y règne et il y a du tumulte autour de la salle Valentino où les gardes nationaux ont reçu des cartouches pour charger leurs fusils. Arnaud cherche à se renseigner sur le sort du commandant Chavant auprès des hommes et des femmes présents et au courant de ce qui se passe dans la salle Valentino. Ces personnes lui demandent de prendre la tête de la garde nationale pour marcher sur l'hôtel de ville. Devant son refus, il est bousculé. Il heurte le trottoir, roule à terre, reçoit des coups, se relève mais a perdu son sang. Il cherche à se dégager en traversant la place en direction de la rue du Mail. La foule le rattrapant, il dégaine un de ses pistolets et des coups de feu partent. La foule s'empare de lui, le frappe au visage et seule une jeune fille essaie alors de le protéger. On le traîne sanglant dans la salle Valentino. Là, on l'assoit à côté de la tribune où Scholl montre les armes saisies en criant « Le lâche, il a tiré sur le peuple !» En écho, les présents répondent « À mort, fusillez-le !» Un procès sommaire commence pendant lequel Arnaud ne peut se défendre. Deloche, tenant le rôle d'accusateur, Bruyas se tait et Deloche excite la foule. La sentence tombe au bout d'une dizaine de minutes. Coupable, donc fusillé. Entre 12h30 et 15h, le commandant Arnaud, fortement encadré par des gardes nationaux, des 10e et 12e bataillons, je rappelle, 12e bataillon, c'est son bataillon, sort de la salle Valentino. Il est en tête du cortège, encadré par une trentaine d'hommes, où l'on distingue Deloche et Scholl, les deux accusateurs, en queue, habillé de noir, couleur du deuil, et déployant des drapeaux rouges et noirs, des femmes ouvrières de la cartoucherie de cuir que Deloche a débauchée le matin même, ferment la marche. Le cortège grossit en route de Badeau, dont des enfants empruntent le boulevard de la Croix-Rousse. Un premier arrêt est fait à la hauteur de la gare de chemin de fer, il y avait une gare de chemin de fer à l'époque, la gare de chemin de fer de Satonnet, où des gardes nationaux et des officiers assistent à la scène sans réagir. Il en est de même lors du deuxième arrêt, à la hauteur de la mairie du 4e arrondissement, où se trouvent stationnés des hommes du 12e bataillon, son bataillon. Seul un médecin en tournée dans le quartier, le docteur Jantet, demande qu'on le libère, car entre Croix-Roussiens, on ne se fusille pas. Le cortège exécutoire reprend sa route jusqu'au Clos-Jouve, distant 1 kilomètre de la salle Valentino. Et là, repoussant les présents, on colle le commandant Arnaud à 10 mètres d'un mur et les hommes qui ont accompagné forment un peloton d'exécution de 11 hommes. Le commandant Arnaud enlève sa tunique, son gilet, son crépi et crie « Vive Garibaldi, vive la République !» Deloche demande aux présents si la grâce de Olivet est accordée. Le nom l'emportant, la sentence est exécutée dans le plus grand désordre. Arnaud tombe à terre, mais il n'est pas encore mort. Il se tourne, lève un bras et est achevé d'un coup de fusil derrière l'oreille. Il est environ 13 heures. 12 balles ont été tirées. La foule remonte vers la place de la Croix-Rousse et se disperse. Le corps du commandant Arnaud, gardé par un garde national, gît au Clos-Jouve jusqu'à 14 heures. Heure à laquelle son cœur est ramené sur un brancard à la mairie, où il est examiné par le docteur Antoine Fontray, qui fait état de 5 blessures, dont une au nez, faite avec une arme piquante, donc une baïonnette, et 4 par des projectiles. Au niveau de l'apophyse mastoïde, une plaie arrondie, dirigée obliquement de bas en haut, du dehors au dedans, donne issue à du sang et à des débris d'os et de pulpe cérébrale. Le temporal fracturé dans sa partie inférieure et postérieure est largement ouvert de manière à permettre l'introduction du doigt dans la boîte osseuse, au milieu de la masse cérébrale. Cette plaie est évidemment l'ouverture d'entrée d'un projectile dont la sortie s'est effectuée au sommet du crâne. Réflexion autour de la mort du commandant Arnaud. Ce que tout le monde a retenu dans la bouche d'Arnaud, avant qu'il meure, elle vive la République. Les autorités non présentes sur les lieux font de ces paroles les dernières du commandant Arnaud, car elles veulent dire qu'il ait dit « Vive la République !» Car sinon, pourquoi serait-il mort? Pour une banale vengeance de quartier à caractère socio-économique. L'heure étant grave, et la République pas encore solidement installée, les autorités nationales, Léon Gambetta, Jules Favre, mais aussi local, et non, qui est le maire, et Chalmel Lacour, le préfet, qui ont été secoués par le soulèvement du 28 septembre 70, chose que vous ignorez encore, c'est le 28 septembre 70, Bakounine était à Lyon, pour un soulèvement en effet insurrectionnel, pour réinvestir l'espace lyonnais, tout en imposant l'image de la République modérée qu'il a l'heure. En effet, l'itinéraire de l'enterrement laïque d'Arnaud, le 22 septembre, emprunte le boulevard de la Croix-Rousse, puis la rue Terme, rejoint les terreaux, puis le cimetière de la Croix-Rousse par le quai Saint-Clair et une démontée rejoignant le plateau. Cet itinéraire jalonné de lieux symboliques a pour but d'exorciser la Croix-Rousse tout en affirmant son intégration dans la ville de Lyon. Je rappelle que la Croix-Rousse n'est lyonnaise que depuis 1852. Pourtant, Arnaud a crié « Vive Garibaldi !» Mais peu de monde s'en souvient, du moins parmi les autorités, car ce nom est celui que prononcent les hommes de la salle Valentino, le nom de ce héros italien qui, avec ses chemises rouges, s'est porté au secours de la République française. Mais au fait, de quelle République? L'image d'Arnaud, héros républicain sauvant Marianne des griffes des rouges, perdrait avec un tel cri de sa brillance, de ce fait que la mémoire officielle oublie ce cri. Une seule personne aurait entendu Arnaud crier « Je prends le ciel à témoin ». De plus, un prêtre serait venu administrer les derniers sacrements au cadavre d'Arnaud gisant au Clos-Jouve, mais aurait été écarté par le garde national en faction. Cette dimension religieuse ne peut être retenue par la mémoire officielle, car l'enterrement d'Arnaud est dépourvu de cérémonie religieuse. Ce que beaucoup condamnent dans la primatie des Gaules, Marianne et Marie ne peuvent faire bon ménage en ces débuts de Troisième République. Si Arnaud aime Marianne, il ne peut aimer Marie. Tel est au moins l'avis des autorités républicaines. Pas de polygamie symbolique dans la République de 70. Alors, qui sont les agresseurs d'Arnaud? Le total des inculpés est de 107, dont 37 sont détenus, 10 en fuite, seulement 60 dossiers d'instruction sont ouverts, dont 30 pour excitation à la guerre civile, 19 pour excitation à la guerre civile et complicité d'assassinat, et 11 pour excitation à la guerre civile et assassinat. Les agresseurs du commandant Arnaud semblent bénéficier d'une complicité morale à la Croix-Rousse, puisque presque personne n'a cherché à lui porter secours. Le tribunal semble comprendre la situation exceptionnelle régnant à Lyon, car il y a seulement 12 condamnations, dont 4 à mort. Les agresseurs s'en sont-ils pris Arnaud parce qu'il est chef d'atelier? La guerre inquiète et ce n'est pas une simple affaire de jalousie sociale, mais le chômage a rendu des hommes excités. De plus, les discussions de la salle Valentino et la lecture des journaux comme l'Antéchrist ou le Drapeau rouge ont donné du sens à la lutte des inculpés. Face à la défaite, Arnaud a la malchance de se trouver sur la place de la Croix-Rousse à 11h, car il incarne ce que les présents rejettent, c'est-à-dire l'autorité et l'ordre en place qui sont rendus responsables de tous leurs malheurs. Cette analyse occulte les rancunes personnelles. Deloche, un des plus excités selon les témoins, vient de passer en tant que garde national du 12e bataillon en conseil de discipline. N'est-ce pas pour cela qu'il crie dans la salle Valentino à l'encontre d'Arnaud « Lâche, lâche, je te fusillerai !» Parmi les agresseurs qui fréquentent la salle Valentino, il y a le républicain Ferdinand Quatennot qui déclare « Je suis un républicain honnête. » Il y a aussi des individus marqués par 48 comme Marie Burnier, cette tordeuse à Lyon, née en 1837 et portée en triomphe en 48, en tant que déesse de la liberté, voire des exaltés politiques selon certaines filles de police. Et surtout, il y a Norbert Truquin, que je vous conseille de lire, « Mémoire d'un prolétaire ». Mais aussi ces internationalistes comme Jean-Pierre Bruyas, Christophe Deloche ou André Benoît. Ces derniers, malgré l'échec de la journée du 28 septembre 70, celle de Bakounine, rêvent toujours d'une république sociale et non d'une république dirigée par M. Thiers et parlent toujours de détruire la statue de Louis XIV et évoquent Chalier et Marat. Le 15 décembre, une affiche signée Deloche, président, et Benoît, assesseur, avec en tête « République française, liberté, égalité, fraternité » et « Avis aux travailleurs » appelle à une réunion publique place Louis XVI à Lyon, c'est-à-dire place Maréchal Lyautey aujourd'hui, pour remédier aux maux qui accablent de plus en plus le pauvre peuple. Ces républicains exaltés ne sont qu'une infime minorité parmi les émeutiers et n'habitent pas obligatoirement la Croix-Rousse, comme Bruyas qui habite rue de Marseille ou Benoît qui habite petite rue Puzès, dans le centre. Ce sont des partisans du drapeau rouge. La République qui va fusiller les meneurs du 20 décembre et les communards les détournera d'elle pendant longtemps. Il voit en Arnaud un réacteur. Et n'a-t-il pas été avec le commandant Chavan, un des responsables de la répression du 28 septembre, celle en effet contre Bakounine? Ce ne sont pas des traîtres à la solde des Prussiens, mais des nouveaux soldats de l'un d'eux. Quand Deloche est mis en prison, on trouve dans ses poches la Déclaration des droits et de l'homme de 1793. Enfin, il y a parmi les agresseurs une troisième dimension, rarement évoquée car ignorée ou passée sous silence, les royalistes. Ceux-ci agitent les foules, payent certains croix-roussiens, comme François Paquet, 26 ans, cartonnier, ou Pierre Rivière, 66 ans, lui aussi cartonnier, pour déstabiliser le régime républicain et restaurer la monarchie. L'organisateur du complot royaliste est Guillaume Scholl, un des membres du tribunal populaire, celui qui a crié « Salve Valentino, à mort, fusillez-le », est donc responsable du geste dramatique aux conséquences nombreuses. Il est en fuite dès le 20 décembre au soir. Il serait un agent du comte d'Armancey, un Henri Quinquiste du premier rang, vivant à Lyon, rue Saint-Dominique, comme en 1793. Il faut connaître un peu l'histoire de Lyon pour comprendre ce que c'est 1793. Les royalistes s'immisent dans les affaires lyonnaises, mais cette fois, ils sont alliés aux héritiers de Chalier. Contre les modérés, leur ennemi étant toujours la République. Les journaux anti-républicains, comme le Salut Public, le Courrier de Lyon, la décentralisation, transforment les agresseurs en clubistes des mauvais jours de la première révolution. Ce qui témoigne que cette première révolution n'a toujours pas été digérée à Lyon et l'onde de Chalier plotte sur l'assassinat du commandant Arnaud. Les formules employées « bête fauve »,« masse dépravée » font penser aux expressions que Taine utilisera dans les origines de la France contemporaine. La peur de la révolution hante cette jeune Troisième République, qui de ce fait se méfie plus des rouges que des blancs. Le Progrès, journal républicain local, souligne que les agresseurs ne peuvent être ni républicains ni croix-roussiens, Arnaud étant un vrai lyonnais aimant le travail et l'or, ce qui témoigne de la mutation géopolitique de la Croix-Rousse en train de se faire au sein de l'espace lyonnais. Joseph Benoît traite les assassins d'Arnaud de furieux. Eux, les assassins d'Arnaud, se disent républicains, version 1793. Anticléricaux, anti-aristos, anti-franc-maçons. Arnaud était en effet membre d'une loge maçonnique, ce qui est assimilé à la bourgeoisie, donc à une organisation qui opprime le peuple. La mort, et je termine, la mort du commandant Arnaud donne une conscience aiguë du temps court et met en lumière le poids du temps long. Elle nous renseigne sur l'histoire politique de Lyon au cours du XIXe siècle, après le choc révolutionnaire, en particulier sur la place qui tiennent les violences collectives. Si Marianne punit plus les rouges que les blancs, c'est que pour elle, c'est depuis Chalier, le danger rouge se montre à visage découvert et elle se fait plus dangereux que les dangers blancs qui avancent masqués. L'assassinat d'Arnaud, mesdames, messieurs, par les internationalistes et les royalistes, les plus ultras, est bien celui de la République. Merci.